world de loyauté, de manger du McDo. Entre 0 à 0. Qu'est-ce que vous souhaitez cette année? De la thune, ouais, puis que ça aille d'une petite vieille. De l'amour, avec la femme du voisin, ouais. Du travail, bien sûr, je suis inscrit au RSC.